Le Cameroun est un partenaire stratégique de l'Afrique centrale. Une déclaration du président Emmanuel Macron qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous l'avez constaté en termes de presse écrite. Vous avez vu plusieurs tabloïdes qui ont commencé déjà à prêter des titres pour la une de leur tabloïde. Des débats télévisés qui ne parlent que des différentes déclarations faites par le président Emmanuel Macron, sans oublier même des éditions d'informations sur des chaînes de télévision locales, mais également internationales. Alors, pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit là, sa présence au Cameroun et précisément sa tournée au Cameroun, Guinée-Bissau et également au Bénin, il s'agit de réaffirmer son engagement pour l'Afrique. Pour d'autres, précisément des géopoliticiens, c'est une visite vide de sens. Le président français Emmanuel Macron veut tout simplement recoller les morceaux après une défaite. Quelle est votre grille de lecture? D'abord, premièrement, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que vous me faites l'honneur d'être à vos côtés, Céleste, je ne reprends jamais les propos de ce type. Je ne reprends jamais les propos de ce qu'on appelle la diplomatie française. Nous disons ce que nous savons. Et nous savons ce que nous disons. Pour dire quoi? On n'analyse pas l'historicité des relations franco-camerounaises, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et par là, des relations franco-africaines, à travers le prisme des récits conventionnels, des récits officiels, de la mobilisation de ce que vous appelez la sphère médiatique, dont on connaît la teneur au regard. En Afrique, on connaît très bien que la plupart des médias sont des relais des médias hexagonaux, on le sait. Ce sont des relais, je suis très poli en le disant, donc ce n'est pas ça qui nous sert de base pour analyser. Très évidemment. Ce qui nous sert de base, c'est la connaissance réelle de l'histoire de cette relation, c'est la connaissance réelle et exacte des résultats de cette relation et de son évolution historique. C'est ça la base. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous donne simplement quelques chiffres. Je ne vais pas entrer dans une chiffromanie qui peut s'apparenter à de la fanfaronnade, mais je vous donne quelques chiffres très simplement. En 1970, la France s'appare dans les relations économiques avec le Cameroun, c'est plus de 40%. Plus de 40%. En 2021, on a 10%. C'est-à-dire que c'est parce que vous voyez tout à fait 40%. De 40% à 10% en 2021, ça se passe de commentaires. C'est-à-dire que historiquement, de par les conditions dans lesquelles le Cameroun a acquis son indépendance, la France est d'office le premier partenaire stratégique du pays. Ce qui devrait se décliner, et se décliner pendant un bon bout de temps, en une prépondérance économique, sociale, culturelle, politique, absolue sur le pays. Alors regardez de même les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Madame Capen, regardez ce qui s'est passé. Comment peut-on expliquer que 10% en 2021, 10% de part, 10%, Madame Capen, mais en plus, un déclin en termes de rayonnement, en termes de prestance, de prestige diplomatique et politique dans le pays. C'est-à-dire que c'est pas un désamour, il faut aller plus loin. Vous avez parlé de défaite, oui, c'est une défaite. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une défaite sans guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre au sens traditionnel du mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, je sais pas, que les Africains pourchassent les Français dans la rue, les insultent dans les rues. Non, non. La défaite est d'autant plus retentissante que les Africains procèdent par raconter simplement ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils ont rencontré la France. Ils racontent seulement et prennent le monde en témoin. C'est-à-dire dans une élégance et une maturité historique qui est considéré ailleurs comme de la lâcheté. Parce qu'ailleurs, c'est en d'autres termes que le conflit se poserait. Dans d'autres contextes, on serait en train de les chasser complètement partout. Il n'y aurait plus aucun Français dans un de ces pays africains, Madame Capelle. Mais la maturité des Africains et leur humanisme, leur humanité fait qu'aujourd'hui, ce scandale historique se pose dans les termes d'un récit, d'un discours au monde, pour interpeller le monde entier, en général, et le peuple français sur la réalité de la relation qui lie la France et l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier. À partir de là, je fais une première mise au clair. Nous rejetons fermement l'idée qu'il y a une guerre secrète entre la France et la Russie en Afrique. Et par là, procéder à un effacement du mouvement panafricaniste et de la capacité des Africains à écrire leur histoire eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Observez très bien ce qui s'est passé. Pendant au moins 5, 6 ans, 7 ans, le mouvement panafricaniste a changé les relations internationales. Pendant ce moment, ce type ne disait rien. Il était impuissant, abattu. C'est ce qui constate que le pays arrive. Il s'est lancé dans sa fausse réforme de France, de la zone franc, tout ce que. Et il a commencé à proposer en ramassant ce qu'on appelle la racaille de l'intelligentsia pour faire de bricolage sur notre mémoire, restitution des objets, des trésors volés, tout ça et consorts. Il a fait un bricolage pour essayer de nous répondre. Écoutez bien, en ce moment-là, il n'a jamais été question du fait que les panafricanistes étaient stipendiés par la Russie. Dites-moi pourquoi pendant peu de 5-6 ans, alors qu'on était au plus fort de la lutte panafricaniste, pourquoi il n'est jamais venu à l'idée de l'autorité française de dire que c'est la Russie qui l'a stipendié? Pourquoi ça a commencé il y a simplement 2 ans? Pourquoi il y a seulement 2 ans ou 3 ans que le même personnage change le discours, change de rapport, il passe de sentiment anti-français, ça c'est le sommet de Pau, il lance ce concept, le sentiment anti-français au sommet de Pau, lorsqu'il y a les premières manifestations au Mali, il dit, je convoie le chef d'État dans quelques semaines, je vais les convoquer dans quelques semaines, il faut qu'ils viennent s'expliquer ici sur le sentiment anti-français qui développe dans leur pays. Les archives existent, on peut les montrer là. Les archives existent. À partir de ce moment, regardez bien l'évolution, parce que nous, on dit des choses, on démonte, on instruit. Parce que nous sommes vivants. Nous, on porte la vie, on ne porte pas la mort. Donc, nous expliquons les choses. On est passé d'abord du silence. On a dit, ignorons-les. Plus ça montait, on est sorti de son silence pour dire, sentiment anti-français, menacer les chefs d'État, venez vous expliquer ici. Ça va marcher. Il a fallu que la révolution malienne, pour que maintenant, on change de stratégie à l'Élysée pour démarrer une diabolisation du panafricanisme et tout faire pour l'assujettir à la Russie. Et démontrer que non, les Africains ne sont pas capables de porter un grand mouvement historique. Ça, c'est pour l'opinion française et européenne. Non, ils sont sous la tutelle de la Russie qui les prête l'intelligence et le savoir-faire russe pour tenir un discours de ce niveau. Alors, Capet. Il allait jusqu'à dire que nous sommes stipendiés par la Russie, il n'apportait aucune preuve. Alors que bon, s'il y avait les preuves, quoi de mieux que de nous discréditer auprès de l'opinion africaine en sortant les preuves de notre commerce avec la Russie? Rien. Donc nous rejetons ça. Il faut rejeter ça. Pas pour lui répondre, il n'en est pas digne. Il est méprisable, il est vil, ce type. Non mais pour expliquer, pour dire au monde que non. Le mouvement panafricaniste n'est sous la tutelle d'aucune puissance. Quand les Français traitent avec la Russie ce plan diplomatique, quand la coopération avec la Russie crée en France près de 200 000 emplois, je dis bien 200 000 emplois, et ça c'était vrai jusqu'à la crise européenne, la crise ukrainienne. Mais écoutez, quand c'est comme ça, les Africains ne sont pas au courant. On ne parle pas de ça. On ne dit pas que non, la Russie et les entrepreneurs français sont stipendiés par la Russie. La Russie a quasiment mis la France sous tutelle. Vous comprenez? Mais quand l'Europe traite avec la Russie, vous avez appris là dernièrement à la faveur de la crise ukrainienne comment l'Europe est dépendante de la Russie sur le plan des matières premières, non? une dépendance grave qui fait que aujourd'hui, n'est-ce pas, l'hiver approche vraiment. Nous prions Dieu pour que Dieu ait pitié et que cette situation s'arrange. Parce que si ça continue comme ça, ben les gens vont mourir là-bas deux fois. C'est pas notre souhait. Vous comprenez ça? Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dépendance directe grave. Mais ça, c'est normal, hein? C'est très normal. Mais quand les Africains décident de diversifier les partenariats et de nouer des alliances avec les partenaires de leur choix, vous voyez, quand les panafricanistes décident, n'est-ce pas, dans le cadre d'une vision globale de la géopolitique mondiale, de solidariser géopolitiquement avec la Russie, on dit que non, nous on est capables de réfléchir, nous sommes stipendiés par la Russie. C'est peut-être de bonne guerre, mais il est intéressant de rappeler pour dire que, un, ce discours est basé sur le mensonge, est basé sur le faux. Il est basé sur le faux. De plus, il est porté par le soi-disant français qui calomnie, qui calomnie les panafricanistes sans avoir la moindre preuve. C'est-à-dire que nous, on aurait pu le traîner en justice pour qu'il réponde de ses actes. Mais il n'est pas digne de ça. C'est lui donner trop d'importance. Quand j'ai dit ça, je passe à un autre niveau. Tout le blablabla qu'il a débité là, il est qui? Je répète, tout ce blablabla qu'il a débité à cause de la diplomatie et de l'exigence des contraintes de nos États qui font que la diplomatie permet ça. Quand on a fini de faire la diplomatie, maintenant lui là, il est qui? Parce que quand un discours surgit, les exégètes, au-delà de pratiquer une exégèse du discours, font aussi de l'exégèse de l'origine du discours. C'est-à-dire que, qui est celui qui émet le discours? C'est aussi important que le discours, Madame Capen. Si un fou parle, on ne s'intéresse pas à lui, on dit c'est un fou qui parle. Si un bandit parle, on dit c'est un bandit qui parle. Si un escroc parle, on dit que c'est un escroc qui parle. Etc., etc. Donc, l'origine d'un discours est aussi déterminante que la qualité du discours. À la matière, mais qui parle aux Africains? Qui parle aux Africains? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? C'est-à-dire que, nous t'étais le divorce objectif, non pas le divorce. La contradiction objective, je dis bien objective, je parle français, qui fait que nos États, comment on dit ça? Nos États, à cause des contraintes diplomatiques et de certaines réalités de la géopolitique mondiale, nos États sont souvent obligés de prendre des positions qui ne sont pas en phase avec la spontanéité et le caractère direct des positions des peuples. Si ce n'était pas ça, Madame Capin, dans quel pays ce voyou-là mettrait les pieds? Dans quel pays ce voyou mettrait les pieds? Quel pays africain mettrait les pieds? Et ça a commencé, vous voyez, ça a commencé au Mali. Ça va continuer. D'ici 10 ans, je vous le dis, très peu de dirigeants français auront encore la chance d'être accueillis en Afrique. On ne va même pas les accueillir. Sauf s'il y a une révolution là-bas et qu'il y ait des dirigeants qui soient à la hauteur des enjeux de ce moment-là. Mais des trucs comme ça, là, on ne leur fera plus l'honneur de les accueillir chez nous. Ils pourront même pas venir. Vous comprenez? Donc, qui parle? Monsieur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier niveau. Définissant ce truc-là qui est venu chez nous au Cameroun, il dit, c'est dans le Figaro, sans publicité, il dit, c'est un désert d'âme. Non, c'est pas Balakane qui parle. Hein. C'est un désert d'âme. Il dit que ce type-là, c'est un désert d'âme. Quand on dit d'un être humain qu'il est un désert d'âme, ça veut dire que on est en face à une forme humaine, c'est-à-dire une forme humaine vide, il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Personne ne veut être à côté de lui. Parce que quand on est près de lui, soit on veut, c'est-à-dire quand on est près de lui, on peut perdre son humanité. Il y a une puissance de contagion négative qui dégage de lui. Voilà l'homme qui parle aux Africains. C'est ça, monsieur Macron. C'est-à-dire, il ose. Voilà l'homme qui vient parler aux Africains. Comment vous venez dans un pays étranger? Vous êtes en visite d'État officiel. Vous venez attaquer d'autres pays. En pleine conférence de presse. Et vous venez attaquer d'autres pays. Vous les citez et attaquez. Mais vous le faites quoi? Vous êtes en accord avec l'autre du pays? C'est ça. Comment on explique ça? C'est la diplomatie, ça? C'est quoi? Si ce n'est pas la sauvagerie, si ce n'est pas le caractère, le désert d'âme, si ce n'est pas, c'est-à-dire que ce truc-là, c'est-à-dire, on ne sait pas comment le qualifier, mais comment on peut se comporter comme ça? Dites-moi ça. C'est-à-dire, vous venez dans un pays, au Cameroun, vous voulez faire croire au monde entier que c'est en accord avec le président camerounais que vous venez attaquer la Russie, attaquer la Centrafrique, attaquer le Mali en direct d'une conférence de presse bilatérale. Mais c'est le patriarche camerounais n'a pas répondu. Il n'a pas joué son jeu. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. On sait très bien depuis, nous savons, on est informé, que ça s'est très mal passé. Mal passé. Il est venu, c'est lui qui a dit, d'ailleurs, il a dit. Bon, ce que doutait encore, il a dit lui-même, dans son propos introductif, que j'ai choisi de commencer ma tournée africaine par le Cameroun. C'est lui qui dit. Donc, il s'est auto-invité, il a supplié pour venir. Il a demandé au patriarche, reçois-moi. Je ne reviens pas sur les antécédents, la manière dont il traitait le Cameroun de son président. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a suffisamment épilogué là-dessus ici. Mais il a demandé à venir. Mais vous demandez à venir, Madame Capen, malgré votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance à tout point de vue, elle dit que vous ne valez absolument rien. Vous suppliez que je viens, on vous reçoit. Vous arrivez en pleine conférence bilatérale avec un chef d'État. Vous commencez à attaquer d'autres pays étrangers. Moi, je vais vous dire, si on était notre président qui n'a pas la hauteur due à l'âge des présidents du président, il aurait dit, monsieur le président, je vous en prie, cette conférence de presse n'est pas un lieu pour attaquer des pays voisins, des pays étrangers à partir de mon territoire. Il ne devrait pas essayer de créer un incident diplomatique. Donc, à partir de là, Mme Capen, je laisse de côté l'attaque qu'il a faite à Nominem à l'égard d'Afrique Média, parce que quand il parle de chaînes africaines, il parle de qui? Il parle d'Afrique Média, il parle de chaînes, il parle d'Afrique Média. Bon, nous, il y a longtemps qu'on l'a considéré qu'il n'est pas à notre niveau. On comprend ça. Il n'est pas à notre niveau, il n'a jamais été l'interlocuteur pour nous. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Mais pour moi, quand je parle de lui, ça dit il n'existe pas le truc-là. Il n'existe pas, M. Macron. Il n'existe pas. Bon, on est en politique, la diplomatie, les d'accord. Mais ok, laissez Afrique Média de côté. Laissez Malakai de côté les autres. Je répète, je parle devant le monde entier. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous venez en visite dans un pays étranger qu'on appelle le Cameroun? C'est une visite bilatérale. Même dans votre programme officiel, vous dites très bien que non, vous venez parler de la lutte contre la faim, le machin alimentaire, lutte contre le terrorisme, tout le blablabla habituel. Et vous arrivez en pleine conférence, vous montez vos employés diplomatiques, qu'on appelle RFI et France, vous les montez, et à partir de là, vous lancez des attaques graves à l'égard des pays amis du Cameroun. C'est quoi ça? Ben, ça aussi c'est bien, ça fait du bien parce que si je chute, ça fait du bien parce que, vous savez, on a souvent dit que dans l'Afrique Média, on est violent, on insulte. Alors maintenant, de plus en plus, ceux qui tenaient un palais de discours à notre gars en Afrique sont en train eux-mêmes de tirer les conséquences. Ils disent que, mais attention, mais ces gars-là, ils ne sont pas violents. Ils n'ont jamais insulté. Ils ont ouvert simplement nos yeux sur la nature de ce que nous avons appelé partenaires pendant très très longtemps. Ils ont simplement ouvert nos yeux. Quand vous venez en Afrique, dites en pleine conférence, vous dites ceci, que y compris, je dénonce l'hypocrisie, y compris une certaine hypocrisie africaine. Il a dit, concernant l'affaire de l'Ukraine. Il dit que vraiment, il n'est pas d'accord avec une certaine hypocrisie africaine. On l'a senti pratiquement devenu rouge parce que pour eux, tant que les pays africains ne s'alignent pas comme d'habitude, ne se couchent pas comme d'habitude sur les positions diplomatiques de la France, de l'Union Européenne et des États-Unis, c'est-à-dire c'est une déclaration de guerre à leur égard et de guerre à leur égard, il faudrait le corriger. C'est une défaite. Il a la pris pour son grade encore aujourd'hui. Ce n'est que le début. Nous allons les traiter sur tout compte. Ce n'est que le début. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.